Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h. Et comme je l'avais déjà annoncé vendredi, ce soir on va parler d'une note un petit peu plus culturelle. En effet, on est avec Xavier Battistella de la Maison de la Braise. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors, tu viens nous présenter la nouvelle saison culturelle 2018-2019 de la Maison de la Braise, ou du moins, au moins pour le mois de septembre-octobre, ou jusqu'à la Toussaint, c'est ça ? Oh, je peux en parler un petit peu plus complètement, puisque nous faisons vendredi l'ouverture de la saison. Ah oui, donc en effet, il y a des choses, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Et pour faire un petit, on va dire un petit topo, un petit sommaire pour que les auditeurs arrivent à suivre. Je pense qu'on va parler globalement d'abord dans un premier temps de la saison culturelle 2018-2019, s'il y a un fil conducteur. Puis on va parler du temps fort qui arrive incessamment sous peu, c'est le vernissage, comme tu disais, le vendredi 7 septembre à 19h à la Maison de la Braise pour Claude Semelet, une expo intitulée « Cette petite part d'oiseau qui est en nous » dont on parlera après la deuxième pause musicale, non la première. On parlera ensuite des 20h04 de l'idée sans détour, vu que si la saison recommence, les 20h04 aussi. Et en fin d'émission, on fera un petit rappel sur les horaires d'ouverture et quelques petites informations complémentaire. Alors, est-ce que t'es prêt, Xavier ? Ça va, tout va bien, on embarque. Alors, on va commencer, comme je le disais, avec la nouvelle saison 2018-2019. Tant qu'à faire, hein, c'est une saison, programmée sur toute une année scolaire, si je me trompe voilà, pas. Voilà, c'est ça, même jusqu'au 31 août prochain, du coup, puisque on va du 1er septembre au 31 août. La Maison de la Braise, c'est un espace culturel, donc, qui est situé à la Braise, et dans laquelle on a tout le temps quelque chose à voir. Il y a quasiment aucun jour de fermeture dans l'année. Donc, la saison étant continue, quand on en termine une, on commence la suivante. Et ça y est, la nouvelle saison commence et c'est vendredi 7 septembre que ça recommence. Dis-moi... Non, vendredi 7 septembre. Oui, c'est ce que j'ai dit, non ? D'accord. J'avais compris 13, c'est pas grave. Ah non, bah ça arrive, c'est peut-être un lapsus, on sait ouais. Jamais. Mais oui, donc je disais, c'est une saison sur toute une année. Tant qu'à faire qu'on se fasse une petite idée, vu qu'il y a quand même énormément de choses, énormément de temps fort tout au long de cette année. Ça demande combien de temps d'organisation, tout ça, tous ces événements ? Oh bon, on compte pas, c'est difficile d'estimer le temps qu'on y passe, mais disons qu'une dans notre programmation, elle est organisée principalement autour de 6 cycles de 2 mois chacun. Donc autour d'une exposition d'un artiste majeur, et donc forcément ces artistes, on va les rencontrer au fur et à mesure de l'année. On en rencontre beaucoup, et puis parmi ceux qu'on a rencontrés, il y en a qui nous ont plus interpellés que d'autres, il y en a qui nous permettent aussi de construire une saison qui est originale, où on n'a pas la même chose toute l'année. C'est-à-dire que là, on va commencer avec une exposition où tout sera en relief. Après, on peut passer sur quelque chose qui est plutôt du photomontage. Ensuite, on va travailler le verre, de la peinture, etc. On essaie de mixer un petit peu toutes les techniques de manière à ce que le public qui vient sur une année ait des choses extrêmement variées. Donc voilà, c'est un peu difficile de dire qu'on passe du temps pour préparer. On peut pas le quantifier, mais ceci dit, on a des rencontres tout au long de l'année qui nous permettent de construire quelque chose de vraiment sympathique. En effet, et comme tu le disais, donc c'est 6 sessions de 2 mois. Donc sur ces sessions-là, il y a une expo principale avec des petites expos, des petits événements à côté, c'est ça ? Oui, alors c'est majoritairement comme ça qu'on organise. C'est-à-dire qu'on organise donc des séances, des cycles de 2 mois où dans chaque cycle, on a un artiste majeur qui va exposer. Donc cette exposition qui dure 2 mois, c'est un artiste qui normalement va forcément vous interpeller, vous plaire, on espère. Et puis autour, donc quelques expositions parallèles qui se succèdent, donc il peut y en avoir qui durent 3-4 jours et d'autres qui durent jusqu'à 1 mois, mais pas plus d'un mois. Et puis aussi, on a toute une programmation d'événementiel. Alors on a parlé plusieurs fois sur votre antenne des soirées 20h04 de l'idée sans détour. Donc voilà, là c'est une programmation qui n'est pas directement liée au cycle d'exposition, mais on a aussi une petite programmation sur d'autres rendez-vous culturels comme celui-ci. Et dis-moi, comme vous avez tout le temps des expositions, et même comme tu l'as dit plus tôt, c'est très varié, mais il y a énormément d'artistes hein, dans le secteur. Comment est-ce que vous faites le choix ? Est-ce que c'est toi qui es seul ? C'est toute une équipe qui travaille ensemble ? Alors, en fait, je propose des artistes qui me semblent vraiment intéressants et c'est validé ensuite avec principalement l'adjointe à la culture. Et puis j'ai aussi une petite équipe autour de moi, notamment Camille Jean-Georges que vous avez certainement déjà entendu aussi sur cette antenne, et une autre personne qui se charge principalement de l'accueil qui s'appelle Claudine Hans. Et donc avec cette petite équipe, on arrive aussi à organiser des choses en fonction des goûts aussi et des coups de cœur de chacun, quoi. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, sur cette saison 2018-2019, donc il n'y a pas spécialement de fil rouge, d'orientation plus dans l'abstrait ou dans l'art, natures mortes. Non, pas spécialement. C'est plutôt, on essaie de choisir des choses variées, des choses que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, les photographies de paysages vosgiens, je pourrais en faire une programmation à l'année avec une expo tous les 15 jours, j'aurais pas encore fini d'exploiter le filon. Mais les gens connaissent. Alors, c'est pas qu'il y a pas des belles surprises aussi à découvrir. Je referai certainement des expositions avec un artiste qui m'aura vraiment beaucoup touché. Mais pour le moment, on a envie d'aller sur des choses que les gens ne connaissent pas. Et donc, par exemple, Claude Semelet, on va en parler tout à l'heure. Oui. C'est certain, si vous ne l'avez jamais vu elle, vous n'avez jamais vu ce type d'art. Est-ce que vous avez déjà vu des expositions d'artistes qui ne travaillent que le verre ? C'est assez rare, donc on va découvrir une exposition de ce type. On aura aussi une exposition avec des photomontages. Donc quelqu'un qui travaille beaucoup sur Photoshop à partir de photos, mais du coup qui donne une illusion de quelque chose de réel alors que c'est complètement alambiqué, c'est assez surprenant, c'est très amusant d'ailleurs, mais on n'a pas trop l'habitude de voir ça, surtout dans une salle d'exposition ou dans un musée. Donc voilà, là on va essayer d'aller sur des choses qui vont surprendre les gens, qui vont les étonner, et j'espère qu'ils vont leur faire aimer l'art et donner envie d'en connaître plus. Ça va être par exemple le cas pour, je vais vous citer l'artiste qui viendra en juillet ou août prochain, donc vous voyez, on a le temps. Oui. Elle s'appelle Betty Vidvé, et cette artiste crée des tableaux qui eux-mêmes contiennent des références à de très nombreux tableaux connus. Donc, dans une scène qui est sur un tableau, vous allez peut-être reconnaître des artistes du type Hergé, Niki de Saint-Phalle, si vous êtes un peu plus connaisseur, Van Gogh, mais aussi Hergé, on va trouver du Spirou, de la culture bande dessinée, etc. Donc, de multiples références qui toutes se retrouvent intégrées à un tableau. Donc, c'est assez amusant, dans le sens aussi où le public connaît forcément quelque chose dans le tableau. Donc voilà, vous voyez, c'est assez varié ce qu'on vous propose. Oui, en effet, c'est assez varié. J'imagine que le but est de toucher le plus de monde possible. Mmh. Et pour toucher le plus de monde possible, est-ce que la Maison de la Bresse travaille avec aussi parfois des EHPAD ou des écoles ? Alors oui, on travaille pas mal avec les écoles également, principalement. On a un projet avec l'EHPAD, mais avec deux EHPAD même, mais c'est pas encore pour cette saison, il est pas tout à fait mûr. On aimerait le programmer pour la saison 2019-2020. Donc vous voyez, on y travaille déjà hein, activement. Mais effectivement, oui, on travaille avec des écoles, on travaille aussi avec les enfants, on en parle souvent sur votre antenne, mais c'est important aussi d'associer systématiquement les enfants dans toutes les expositions. Donc ils ont toujours un petit parcours vraiment rien que pour eux, l'atelier d'Anissé, qui est une petite maison de la Bresse au sein de la maison de la Bresse, qui leur est réservée. Et puis surtout, on essaie aussi de se mettre au niveau du public. C'est-à-dire que on sait bien que tout le monde n'est pas un grand connaisseur d'art contemporain, donc on va pas proposer des choses sans aider les gens à faire le pas. C'est aussi pour ça qu'on a organisé des soirées 20h04 de l'idée sans détour, afin de proposer des choses que les gens a priori ne semblent pas forcément aimer ou peut-être par méconnaissance, et on va leur faire découvrir par la passion de personnes qui vont leur parler pendant un temps très court, 20 minutes maximum. Hop, ils vont se rendre compte que oui, il y a de l'intérêt. Ça va être intéressant, et du coup, on va aller vers ce genre de choses. Quand on a fait des premières expositions d'art abstrait, on a fait quelque chose où il y avait beaucoup de médiation, beaucoup d'aide qui était donnée pour que les gens puissent rentrer un peu dans ce type d'art. Aujourd'hui, on hésite un petit peu moins, mais on essaie toujours d'accompagner les gens de manière à ce que chacun se sente intelligent aussi dans cette exposition et pas qu'ils disent bah j'ai rien compris, c'était nul. Alors, parce que ça, c'est quand même terrible quand on va dans un endroit où on a un artiste, un bon artiste qui est exposé, et puis qu'on dit bah franchement c'était nul, ou alors j'ai rien compris. Voilà, on se sent un peu bête, et franchement c'est bête quoi d'en arriver là. Oui, j'imagine que c'est pas trop le but, hein. Le but, c'est de rendre l'art accessible et non pas de créer un clivage encore plus grand, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Et oui, et c'est comme ça, hein, que ça continue à brasser. Donc, comme je le disais, ou comme tu le disais, pardon, un artiste principal avec plein d'autres petits événements, petites expositions à côté. On parlera dans quelques instants de Claude Semelet, c'est Semelet, c'est oui. Ça qu'on prononce, comme ça je le prononce très très bien. Mais avant qu'on en parle, hein, je l'avais annoncé, petite pause musicale hein, intitulée cette fois L'oiseau de liberté de Saez. Vous allez comprendre très très vite dans quelques instants pourquoi le choix de ce morceau. Donc on s'écoute cette petite bulle sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Nos internationales battront toujours l'espoir. Et si nos frères tombent, nous chanterons leur mémoire. Et si c'est sous les bombes que s'écrit notre histoire, nous resserrons nos rangs, nous planterons nos croix, nous combattrons les vents, tout qui nous combattra. Comme un oiseau blessé dont la nuit volera, mon oiseau liberté qui repart au combat. S'il faut mourir d'amour, mourir de liberté, partir comme un oiseau qui s'en est envolé, alors oui que je meurs comme un drapeau tressé, une rose tendue face au fusil pointé, une rose en martyr pour nos humanités, juste un bouquet d'amour pour nos amis tombés, qui n'ont oui que leur fleur à offrir au bûcher, qu'une fleur à leur tendre à ses fusils pointés. Que se lèvent tous ceux qui ont le même Dieu sur terre, puisque le Dieu des dieux, oui c'est d'aimer son frère. Que soit la douleur des blessures de nos âmes, de mon pays qui pleure quand on touche à la flamme. Quels que soient les cimetières enfants de notre patrie, force des lumières tire plus loin qu'un fusil. Mon pays des lumières, il est l'heure de s'unir. Ton drapeau triste France, il est l'heure de brandir. Que flotte pour toujours de ce vendredi noir, mon pays liberté, le drapeau de l'espoir. Un jour l'oiseau m'a dit comme un souffle printemps, qu'un jour prochain, oui, sur la terre de nos enfants, il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus le sang, il n'y aura plus ces misères qui nous cernent à tout vent. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie, et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau infini. Repart au combat sous le ciel de novembre, la lumière renaîtra pour de meilleurs septembre. Il repart au combat face à l'ombre des nuits, il repart au combat contre la triste vie. Il vole sur les plaines, il s'en va triste plume, sous le chant de nos pères, sous le chant de la lune. Au vent soufflant les terres qu'on martèle en plume, nous chantons nos prières pour que la nuit s'allume. Chante avec moi frangin pour notre mère la terre, qu'ici-bas il n'est rien qui ne fasse lumière. Nous sommes tous en chemin vers l'obscur ou l'éclair, et perdus dans les crins de notre mère la terre. Envolés sur le dos de l'oiseau liberté, on portés par les crocs de la haine incarnée. Si nous sommes cernés par tous les terrorismes, ceux du son de la haine ou ceux de nos fascismes, s'il faut plus qu'une armée pour protéger nos libres, on ne combat jamais mieux qu'en ouvrant des livres. Pour cela, fusillés qui pour l'éternité resteront le symbole de notre liberté. Nous chantons nos prières, nous chantons pour la terre, nous chantons la lumière contre l'obscurité. Tous les peuples du monde pour lever liberté, quelles que soient les prières pour ne pas oublier, main tendue à leurs frères contre fusil pointé, que nous sommes sur la terre tous frères d'humanité. Nous sommes fils des Ardennes, nous sommes fils de Provence, puis jusqu'aux Aquitaines, nous sommes la France. Nous sommes pays du libre, pays des tolérances, face à l'assassin, nous offrons l'innocence. De l'oiseau liberté, face aux horreurs mitraille, nous ne quitterons jamais, oui, le champ de bataille. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est la vie sur terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est d'aimer son frère. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau l'infini. Et c'était l'oiseau liberté de Saez. Vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et on est toujours avec Xavier Battistella de la Maison de la Bresse pour continuer à mettre en avant la nouvelle saison culturelle. Mais comme je l'avais annoncé dans le sommaire en tout début d'émission, c'est le moment de parler de l'artiste qui sera exposé pendant 2 mois à la Maison de la Bresse. Il s'agit de Claude Semelet. Alors Xavier, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cet artiste qui d'ailleurs est une femme, je précise, c'est vrai que ce nom, oui. C'est un nom mixte. Oui. Et quelle surprise quand j'ai appris que c'était une femme. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette femme, cette artiste ? Comment dire ? C'est une artiste déjà qui est une artiste complète. Elle a commencé il y a bien longtemps par l'illustration, le dessin, ensuite la peinture, les grands murs peints, et puis s'est mise à la sculpture. Mais pour vous donner une petite anecdote, elle avait je crois 10 ans quand elle a été lauréate d'un concours national organisé par la Croix-Rouge. Et du coup, elle est montée à Paris, elle a fait des studios de télé alors qu'elle avait tout juste 10 ans. Voilà, c'était déjà la reconnaissance de son talent très précoce, comme vous le voyez. Et puis en fait, après, elle s'est créée une place dans l'art avec différents types de créations. Et surtout, alors beaucoup en Lorraine, un petit peu au Luxembourg et un petit peu autour, mais principalement en Lorraine. En fait, son atelier est à Laxou, à côté de Nancy, bien qu'elle soit née à Épinal. Et donc, dans son travail, elle aime bien prendre appui sur des détails du quotidien. Par exemple, une source qui se tarit dans son jardin, ça devient le point de départ de tout un imaginaire. Et que se passe-t-il ? Et elle invente toute une histoire, un peu comme des enfants qui se racontent des histoires en partant d'un détail dans la nature. Et ben voilà, elle est comme un enfant et elle nous emmène dans ce monde imaginaire et nous aussi on redevient comme des enfants à côté de ses œuvres, qui ceci dit sont d'une qualité technique assez incroyable. Et alors elle a pu construire différents mondes, différents univers en fonction de au gré de son imagination, de ses petites découvertes dans son jardin. Et puis, l'exposition qu'on va voir, qui s'intitule « Cette petite part d'oiseau qui est en nous », d'où la chanson « L'oiseau liberté » qu'on a choisie. En effet. « Cette petite part d'oiseau qui est en nous » nous invite effectivement à voir un spectacle d'oiseaux, mais attention, pas n'importe quels oiseaux. Alors, pour vous expliquer de quels oiseaux il s'agit, je vous raconte l'anecdote. Un jour, elle était invitée, puis elle était vraiment en recherche d'un nouveau thème, parce que voilà, elle avait fait un peu le tour de ses thèmes précédents, elle cherchait une autre chose pour s'exprimer artistiquement. Et puis, autour de la table, quelqu'un lui dit, lui parle de la chasse et des faisans, et qui fait, et oh, j'ai jamais goûté de faisans. C'est vrai. Alors, et à la fin du repas, il sort du coffre de sa voiture deux faisans qu'il lui donne. Et elle savait pas comment on faisait pour cuisiner un faisan ni rien. Mais bon, elle sait qu'il faut le déplumer, elle le déplume et puis là, oh, un faisan déplumé, c'est bizarre. Et elle se dit, allez, un faisan, plutôt une faisane, ça sera plus poétique. Et elle a commencé à créer des faisanes déplumées. Dans des positions assez rigolotes, poétiques, un peu magiques. Parfois, elle pousse le concept jusqu'à se dire les faisanes se déguisent et donc c'est des faisanes avec une tête d'un autre oiseau. Et c'est toute une exposition autour des oiseaux et principalement de ces faisanes déplumées qui sont en ciment, donc c'est bien de la 3D. Plusieurs seront suspendus, d'autres seront posés un peu comme sur des pics, un peu suspendus dans l'air comme ça. Ça va être vraiment très amusant, très aérien, et puis bien sûr des peintures aussi sur ce thème. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça l'univers de Claude Semelet que l'on reçoit à la Maison de la Bresse. Oui, puis tu as dit au début, enfin tout à l'heure, que c'est une artiste assez complète. Hein. J'ai regardé, j'ai fait un petit tour sur son site, elle fait quand même beaucoup de choses. Elle fait de la mosaïque, voilà. Tu as de la peinture, bon là elle fait de la sculpture, donc elle fait quand même des choses très vastes. Bon là, elle se concentre vraiment sur une expo, sur ses faisans de déplumer. Alors, il y aura également quelques sirènes. Ces sirènes qui sont avec beaucoup de miroirs et de mosaïques aussi. Donc on aura pas que les faisanes, mais essentiellement les faisanes. Oui, donc ce sera une exposition avec une petite ouverture sur le reste de son travail, c'est ça ? Voilà, bon, je sais pas exactement puisqu'elle n'est pas encore installée. Vous savez que les artistes, jusqu'au moment où on installe, on peut avoir des projets, mais c'est aussi l'adéquation entre le lieu, la mise en scène, etc., qui va faire qu'on expose telle ou telle chose. Donc là, c'est à peu près réglé, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise encore. Ah, qui sait. Et pour ceux qui veulent admirer son travail, hein, je le disais, je le répéterai encore plus tard, le vernissage, c'est le vendredi 7 septembre à 19h à la Maison de la Bresse, et l'expo a lieu jusqu'au 11 novembre. Voilà. Alors, pour préciser, le 7 septembre, ce vendredi, on aura d'abord la présentation de la saison. Ça va durer à peu près une demi-heure, ça sera très dynamique, ce sera assez amusant, un peu interactif aussi, et on enchaîne par le vernissage de son exposition. Donc si vous voulez profiter, hein, faites une pierre deux coups, découvrez la saison et l'exposition de Claude Semelet, et puis venez boire un petit coup avec nous aussi. Voilà, ça c'est le vernissage, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de problème, vendredi à 19h, et puis ensuite effectivement jusqu'au 11 novembre, on a le temps d'aller voir quand même l'exposition de Claude Semelet. En effet, et tant que j'y pense, donc il y a déjà le vernissage où j'imagine ce sera le moment peut-être de rencontrer l'artiste, d'échanger avec elle. Est-ce qu'il y aura d'autres moments où elle sera là ? Est-ce qu'elle aura peut-être des ateliers avec des enfants ? Alors, elle sera présente à différents moments, mais j'ai pas encore les dates à l'heure où on enregistre. Je les aurai peut-être d'ici peu. Vous retrouverez de toute manière ces informations sur la page Facebook de la Maison de la Bresse ou sur le site maisondelabresse.fr. Et sinon, les dates qui sont déjà retenues, c'est pendant les vacances de la Toussaint, où on vous propose un atelier pour les enfants, pour créer avec Claude Semelet. On vous propose aussi un workshop donc pour adultes, Donc là, c'est Claude Semelet qui se met à votre niveau et qui essaie de vous entraîner plus loin, de vous donner des outils pour que vous puissiez continuer, progresser, voire vous initier si vous n'en avez jamais pratiqué. Et puis, on aura aussi le premier dimanche des vacances de Toussaint, un événement un petit peu à part, puisque Claude Semelet propose une performance au sein de l'exposition, mais une performance, attention, une performance avec vous. Donc, les performances artistiques, c'est toujours assez surprenant. Et là, pendant toute la journée, vous pouvez venir et vous créerez quelque chose avec elle qui sera de l'ordre un peu de la performance interactive. On aura hâte de voir ça et on aura hâte d'avoir les informations. Je rappellerai de toute façon en fin d'émission les pages, les sites internet sur lesquels se rendre, ou sinon ce sera aussi noté dans le podcast de l'émission une fois qu'elle sera mise en ligne. Et oui, donc elle sera là, on le disait, du 7 septembre au 11 novembre, mais elle ne sera pas toute seule, hein, il y aura d'autres temps forts en parallèle, on reviendra peut-être à Claude Semelet dans quelques instants, mais en attendant, tu m'as dit, il y a d'autres temps forts, oui, en même temps, est-ce que tu t'en souviens ? Oui, oui, quand même, ça va. Donc on commence par le mois de septembre où on va avoir une exposition d'histoire locale. Donc il s'agit de la Grande Guerre à la Bresse, vous savez que c'est le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et donc le club d'histoire locale des Racines Bressaudes propose une exposition sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu énormément de destruction, mais il y a énormément d'anecdotes qui tournent autour de cette guerre et qui nous font considérer la vie d'une manière un petit peu différente, et apprécier aussi les temps de paix dans lesquels nous sommes. Les Racines Bressaudes, qui par ailleurs sont aussi impliqués dans la préparation de journées d'études au mois de novembre, certainement vous aurez des informations d'ici là. En tout cas, des gens très dynamiques et qui travaillent l'histoire locale. Et puis, on reparle plus art au mois d'octobre avec Elisabeth Dumoulin, qui est une artiste qui travaille aussi la sculpture en 3D, mais elle en papier mâché plutôt qu'en ciment. Voilà. Ceci dit, ce qui est assez intéressant, c'est que les créations en ciment de Claude Semelet sont très aériennes, très légères, alors que celles en papier mâché, au contraire, ont une certaine pesanteur. Donc on a ce contraste qui est en fait un peu paradoxal aussi, puisque ce qui est lourd devient léger, ce qui est léger devient lourd. Les créations d'Elisabeth Dumoulin, ça va être par exemple une personne âgée à taille réelle, assise sur sa chaise en train de débobiner, de tricoter voilà, dans une pelote de laine avec des chats autour, etc. Vous voyez, ça va être des choses assez concrètes, très réalistes et quasiment à taille réelle. Voilà, pour la partie artistique. Et puis à côté, nous avons des événements, bien sûr, tout au long de l'exposition, oui, qui sont pas forcément liés à l'exposition d'ailleurs. Alors on en parlera tout à l'heure, deux soirées 20h04 de l'idée sans détour. Oui, ça, donc, ce sera après la pause musicale. Voilà, suivante. On va en parler. Et puis on aura aussi des spectacles. Alors le premier, c'est un concert de contrebasse. C'est assez inattendu, c'est une proposition un peu de dernière minute, mais voilà, qui a vraiment retenu toute notre attention. 10 contrebasses qui vous proposent un concert. Alors les contrebassistes viennent du Conservatoire National Supérieur de Stuttgart et proposeront un concert très surprenant, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu de la contrebasse, vous qui êtes chez vous, mais une, ça va encore, mais 10, c'est surprenant, quoi, voilà. Donc c'est un beau spectacle, ça c'est le vendredi 28 septembre, et puis on aura également un spectacle, alors cette fois pas à la Maison de la Bresse, mais à la Salle des Fêtes, mais qui mérite vraiment les tours, et je pense que je reviendrai si vous en êtes d'accord, pour en reparler, parce que ce spectacle vaut vraiment le détour. C'est Dada Blues, un spectacle de la compagnie Mellocotton, qui vient de Nancy, et c'est sur le thème de l'histoire du blues en Amérique. Un spectacle d'une qualité incroyable et qu'on vous offre en version complète, grand spectacle avec musiciens, vidéos et tout ce qu'il faut. Ça va être quelque chose d'énorme. Et ça, c'est... alors, j'ai plus la date en tête, mais c'est fin octobre à la Bresse. Donc ça, ça fait partie de l'ensemble de ce qu'on va proposer pendant ces deux mois avec Claude Semelet. Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Il va s'en passer quand même des choses à la Bresse. Déjà, il s'en est passé. Je pense déjà au défilé des voitures Matisse qui s'est achevé ce week-end. Par exemple. Et oui, ça continue, hein. On le voit bien que la Bresse, c'est un secteur qui bouge, et surtout très culturellement parlant, qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si je peux me permettre, je vais aussi en profiter pour mettre aussi l'accent sur une nouvelle association qui s'est créée à la Bresse, qui s'appelle Music Live Event. Qui a organisé déjà deux concerts, un fin juillet qui a pas eu beaucoup de succès avec Miss America, mais un le week-end dernier aussi avec le duo Ferguson, oui, que vous connaissez bien. Voilà, et donc une association qui cherche aussi à monter des concerts de rock. Il y en aura encore d'autres. Surveillez Music Live Events et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment sympas aussi qu'ils vous proposeront à la Bresse. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus aussi avec Music Like Events, qui viendront peut-être intervenir un jour, mais dans tous les cas, il faut pas avoir peur, hein, leurs concerts seront transmis comme celui de Ferguson ce week-end. Les auditeurs étaient au courant. Et Radio Game Ozone ne rate jamais rien, décidément. Et non, en effet, et s'il y a autre chose, hein, on a parlé musique, alors on va peut-être s'écouter un autre morceau. On va s'écouter With or Without You de U2, et on se retrouve juste après sur Radio Game Ozone. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Et vous êtes de retour sur Radio Gameuse 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau With or Without You de U2. Et je suis toujours avec Xavier Battistella de la Maison de la Bresse, toujours pour la nouvelle saison culturelle 2018-2019, ou du moins, on va faire plutôt en détail, le moment jusqu'à la Toussaint, de maintenant à la Toussaint pour ceux qui nous écoutent, hein, hélas on n'est pas en direct, on l'a enregistré un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi, mais ça n'empêche pas qu'on ait des infos toutes fraîches pour vous. Et comme je l'avais dit dans le sommaire, hein, après avoir parlé de l'artiste Claude Semlet pour son exposition Cette petite part d'oiseau qui est en nous, exposition qui commence le vendredi 7 septembre à 19h, hein, c'est jusqu'au 11 novembre à la Maison de la Bresse, profitez-en. On en reparlera bien entendu en fin d'émission. Donc après avoir parlé de Claude Semlet, c'est le moment de parler d'autre chose dont on a déjà parlé plus d'une fois. C'est des événements récurrents, il s'agit du 20h04 de l'idée sans détour. Voilà, donc vous connaissez maintenant le principe pour ceux qui sont un peu attentifs à l'écoute de Radio Gameuzo. Les soirées 20h04 de l'idée sans détour, c'est simple, ça commence à 20h04, forcément. Voilà. Ça commence à 20h04 très précise. Si vous arrivez à 20h05, vous êtes déjà en retard. Ça a déjà commencé. À 20h04 précise, on a 4 intervenants qui ont 20 minutes. Donc, 4 intervenants de 20 minutes, 20h04. Le compte y est. Donc, les 4 intervenants sont toujours sur des sujets très variés, mais passionnants. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'ils sont passionnants parce que vous dites ce sujet-là ne m'intéresserait pas, eh ben venez, vous allez voir qu'en fait vous accrochez. Et puis au pire, si vraiment vous êtes très très réfractaire et que vous n'accrochez pas, ça ne dure que 20 minutes et vous avez quelque chose de bien plus passionnant derrière, en tout cas à votre sens. Donc voilà, donc on a des soirées 20h04 de l'idée sans détour, on en organise 5-6 par an. Et là, pour cette rentrée, on en a un jeudi 13 septembre. À quelle heure, rappelez-moi ? À 20h04. À 20h04, bien sûr. Voilà. Donc, le 13 septembre, ça va être notre soirée de rentrée également. On vous propose à nouveau 4 intervenants, le quatrième étant toujours un artiste. Et là, il ne s'agit que d'hommes pour cette première soirée, mais on se rattrapera sur la deuxième. Donc, je vous présente les intervenants, peut-être ? Ah bah oui, avec plaisir. Alors, on commence avec Thomas Defranoux. Thomas Defranoux, qui est quelqu'un qui vit un petit peu en marge de notre mode de consommation habituel. Il travaille sur les notions d'hygiénisme et de permaculture. Actuellement, il crée une forêt comestible, selon le nom de son projet. Donc, où l'idée, c'est qu'on ait suffisamment de quoi se nourrir, mais sans pour autant gaspiller. On n'est pas dans de l'agriculture intensive, mais plutôt dans quelque chose où les plantes se nourrissent les unes des bienfaits des autres, et nous, on a ensuite de quoi manger dans des plantes qui sont parfaitement adaptées à notre environnement, à notre climat. Donc vraiment un modèle d'agriculture durable. Il va nous parler de ce que c'est que la permaculture et de comment on peut vivre ce rêve. Donc ça, c'est Thomas Defranoux, un des 4 invités. Ensuite, qui sera le deuxième invité ? Le deuxième, Christophe Roderman. Donc Christophe Roderman, lui, c'est un médiateur culturel. Il travaille au musée de la ville de Nancy et il nous parlera de Picasso, le mystère Picasso. Savez-vous que Picasso a réalisé plus de 25 000 œuvres ? Et tout le monde a entendu parler de Picasso. Quand on voit un truc qui est bizarre, on dit « Oh, c'est du Picasso ». Bon, Picasso, c'est un peu plus complexe que ça, mais surtout, il a révolutionné complètement l'art. Alors, on aime, on n'aime pas, c'est pas le problème. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre en quoi est-ce une révolution, en quoi ça change vraiment le monde de l'art, et puis aussi un petit peu sa personnalité. Un homme à femme, coureur de jupons, il a une réputation assez partagée, quoi. Donc, on va parler un peu de Picasso avec Christophe Roderman. Ensuite, qui sera le troisième intervenant ? Jean-Pierre Valentin, peut-être un peu plus connu, lui. Oui. Jean-Pierre Valentin, c'est quelqu'un qui tourne des documentaires. Oui. Voilà. Vrai. Alors il a beaucoup travaillé dans le Sahara, notamment avec les Touaregs. Et puis depuis quelques mois, il est revenu dans les Vosges pour tourner des reportages sur les éleveuses vosgiennes, les femmes qui élèvent principalement des vaches de race vosgienne. Et jusque dans la vallée du Chajou à la Bresse. Donc en fait, il va nous faire un petit tour de son aventure documentaire. qui part de l'Alaska, qui revient jusqu'au plus profond des Vosges. Et en quoi est-ce lié? Qu'est-ce qu'il en a retiré? Qu'est-ce qui peut nous aider à changer notre manière de voir les choses? Donc voilà, trois personnes qui sont différentes, mais qui toutes ont un message à nous apporter qui peut changer notre regard. C'est un petit peu l'objectif. On parlera du fil d'Ariane de cette soirée après avoir présenté le dernier. J'imagine qu'il a aussi un lien. Il s'agit cette fois d'un artiste. Et qui est-ce donc? Alors l'artiste, cette fois, ce n'est plus un musicien, ce n'est pas un comédien, c'est un danseur. On va voir de la danse contemporaine avec Amon Bey. Amon Bey, si vous ne le connaissez pas encore, eh ben il faut le suivre. C'est quelqu'un d'assez impressionnant. Un Américain né à New York, qui a grandi à New York, qui a fait d'ailleurs toutes les scènes les plus célèbres de New York au niveau de la danse contemporaine. Donc formation en danse classique, en danse moderne, en danse jazz, en capoeira. Et puisqu'il est aussi professeur de capoeira, mais maintenant donc il donne des cours de danse. Il est bien sûr danseur professionnel. Il réalise des performances avec les danseurs. Avec des danseurs très connus dans le secteur. Je sais pas si vous connaissez peut-être Anne Marion, la compagnie Temporale, voilà. Il est souvent avec dans tous les bons coups, en fait il est là, et c'est une danse qui est aussi en partie improvisée, c'est-à-dire que il va se saisir du lieu tel qu'il est et il va le transformer à sa manière, avec ses gestes, avec son corps. C'est vraiment impressionnant. Et puis quand même, il faut le signaler, c'est un bel homme, donc les femmes ne devraient pas être déçues. Ah, raison de plus pour aller se rendre au 20h04 de l'idée sans détour du jeudi 13 septembre à 20h04, s'il Très vous plaît. Précise. Et quel sera dans ce cas le thème qui les lie tous? Là, pour le coup, comme la plupart des 20h04, le thème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que justement, on aime aborder des choses qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Mais il arrive qu'on fasse avec un thème. C'est arrivé de temps en temps, mais là l'idée, ça reste vraiment d'explorer des domaines variés. Vous êtes intéressé par la danse contemporaine? Bah venez, et vous allez finir par vous rendre compte que Picasso, c'est intéressant aussi, que la permaculture, ah ouais, tiens, j'y avais pas pensé, mais c'est incroyablement passionnant, voilà, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous proposer, avec un qui peut vous intéresser plus que les autres, vous allez avoir une série de quatre intervenants qui vont vous passionner. En plus, donc, c'est mis en scène, hein, c'est un peu une forme de plateau télé. Et puis, à la fin, on vous propose de prendre un petit pot, de partager un pot, et pour continuer à discuter avec l'intervenant qui vous aura passionné. Donc, vous pouvez aller poser toutes les questions que vous voulez, ou discuter simplement, comme ça, avec l'intervenant que vous avez aimé. Et tant que j'y pense, pour ceux qui ont envie de se rendre là-bas, il n'y a pas de tarif d'entrée ou de choses comme ça à payer? Ah non, c'est même gratuit, c'est totalement gratuit. Alors après, si vraiment vous souhaitez nous donner quelque chose, on vous refusera peut-être pas, mais en tout cas, non, c'est gratuit. En revanche, les places sont chères, dans le sens où on est limité à 100 places et qu'on fait quasiment le plein à chaque fois. Donc si vous arrivez à 20h03, vous risquez d'être vraiment serré ou de devoir rester debout dans un coin de la salle, voire de pas pouvoir rentrer. Donc essayez de venir un petit peu avant l'heure. Essayez de venir un petit peu avant 20h04, s'il vous plaît. Et si vous voulez en assister à un autre, hein, il y a un deuxième. C'est vendredi 5 octobre. D'ailleurs, cette fois, c'est pas un jeudi. Si je me trompe pas, d'habitude, c'est les jeudis. Alors, d'habitude, c'est les jeudis. Mais pourquoi celui-ci, c'est le vendredi et plutôt que le jeudi? Parce qu'on fait un partenariat avec le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, on a un de nos intervenants qui est un professeur invité sur le festival de géographie. Donc, du coup, on s'adapte aussi aux dates du festival. Donc, on fait partie intégralement du programme du FIG. Voilà. Donc, alors, ce 5 octobre, ouais, vraiment réservez la date. Ça vaudra vraiment le coup. Juste pour vous allécher un tout petit peu, on va partir en Afghanistan avec une personne qui fait de l'humanitaire en Afghanistan depuis 18 ans. Qui a créé un centre pour les populations les plus défavorisées d'Afghanistan, au milieu des bombes, au milieu du chaos. Ça tient debout, pas de soucis de leur côté, alors que à quelques centaines de mètres, parfois, il y a des attentats qui font des dizaines de morts. Eux, pour le moment, sont épargnés, et j'espère qu'ils le resteront toujours. Après 18 ans, on peut dire que leur travail est un succès phénoménal. Pour vous donner une idée, plus de 500 personnes sont inscrites dans leurs centres, qui sont des centres pour les enfants, pour les éduquer, pour leur donner à manger, pour ceux dont les familles sont vraiment trop pauvres, mais c'est aussi un centre pour les sourds et muets. Il y en a énormément à cause de toutes les bombes qui ont fait des graves dégâts dans les oreilles. Oui. C'est aussi un centre de formation professionnelle pour les femmes alors que on est comme dans un des pays les plus fermés aux droits des femmes. Voilà, et pour les hommes également qui peuvent apprendre la boulangerie. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, c'est un travail passionnant et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il faut pas trop parce que voilà, la personne n'aura que 20 minutes pour vous en parler. En revanche, elle sera déjà là la veille à la Bresse pour une rencontre un peu plus longue d'une heure et demie. Donc voilà. Ça c'est pour la première invitée du 20h04. Plus rapidement, je passe en revue les trois autres. Perrine Toussaint qui est archéologue et qui fait de l'archéologie préventive, elle nous parlera un peu de sa passion et de tous les mystères qui entourent l'archéologie, c'est vraiment un domaine passionnant. Je pense que vous allez vraiment accrocher aussi. Troisième intervenante, puisqu'on est plutôt avec des femmes cette fois. C'est Béatrice Gibelin qui est professeure d'université. Qui est une éminente professeure d'université et qui a beaucoup travaillé la question de Calais, la jungle de Calais, la frontière anglaise qui a été mise sur le territoire français à Calais. Donc voilà, ça va être un petit peu la problématique de savoir pourquoi est-ce que les Anglais font leur contrôle aux frontières en France, pourquoi est-ce qu'ils attendent pas de le faire de l'autre côté. Bon voilà. Et le dernier intervenant artistique, c'est un joueur de saz. Le saz, c'est un instrument qui vient du Proche-Orient, instrument étrange, mais notre joueur de saz va vraiment vous le faire découvrir et aimer. Donc ça, c'est le 5 octobre, cochez la date dans votre agenda, il faut vraiment pas le manquer. En effet, il faut pas être là à 20h10 ni 20h05, mais à 20h04 et encore avant. Tu l'as dit, les places sont chères dans la mesure où il n'y a que 100 places. Premier arrivé, premier servi, donc premier arrivé, premier assis. Exactement. Mais bon, si vous voulez vraiment cocher d'autres dates, cochez aussi le 29 novembre, on en aura encore un, avec notamment les clapés. Donc, vous savez, ces champions du monde de canoë qui ont été médaillés de bronze à Rio, avec Claude Vautrin qui reviendra de Corée du Nord et qui nous parlera de son aventure. Bref, des invités encore grandioses le 29 novembre. Et puis après, les dates pour 2019, vous les retrouverez sur le site maisondelabresse.fr. Oui, bien entendu, on rappellera aussi encore une fois en fin d'émission les sites sur lesquels les auditeurs pourront se rendre pour avoir les informations qui leur manquent si jamais ils les ont loupées. Et on a déjà fait un gros dégrossissement de la saison culturelle. Alors on va souffler un petit peu avec une dernière pause musicale de Muse cette fois. Exogenesis Symphony partie 3 Redemption, si je me trompe pas. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Et vous venez à l'instant d'écouter un morceau de Muse, hein, Exogenesis Symphony partie 3, Redemption, toujours sur Radio Gémozo 107 FM avec Xavier Battistella pour la Maison de la Bresse pour la nouvelle saison culturelle 2018-2019, surtout qui s'arrête jusqu'à la Toussaint pour présenter plein de choses, hein, des expositions, des petites, des grandes expositions et les 20h04 et la raison pour laquelle qu'elle était surtout là quand même, c'est pour l'exposition de Claude Semelet, cette petite part d'oiseau qui est en nous et pour vous donner envie, d'ailleurs c'est l'occasion de vraiment vraiment vous donner envie d'y aller, pour tout vous dire, hein, c'est une histoire de poule faisane, un chassé croisé d'envol déplumé sur fond de vaisselle cassée et de verre ébréché où flottent les ombres, les funambules qui tintinabulent et pourtant elle plane. C'est ces statues en ciment, d'ailleurs, je précise, qui planent. Ce sera l'occasion de voir à quel point le ciment peut être un matériau très aérien. Et pour en savoir plus, hein, n'hésitez pas à vous rendre à la Maison de la Presse le vendredi 7 septembre à 19h pour le vernissage. Et pour ceux qui savent toujours pas où se trouve la Maison de la Presse, on peut peut-être l'indiquer vite fait. Si vous êtes en voiture, vous venez de Cornimont, allez-vous continuer tout droit, vous avez la salle Omnisport, je crois, sur votre droite, et puis bon ben vous tournez direction la salle Omnisport, mais juste à côté, un petit peu plus loin, un grand bâtiment en bois, si je me trompe pas. Oui, voilà, vous pouvez, voilà. C'est juste devant l'hôtel Ibis aussi. Ah oui. Bref, vous pouvez vous garer même dans la rue principale, tout près du bar Le Duns, qui est assez connu des amateurs, et voilà, vous êtes tout près, à deux pas, c'est vraiment tout près de la mairie aussi, donc au centre vraiment de la Bresse. Oui, en effet, au centre, là où on peut pas le louper du tout. Et comme on le disait, hein, donc du 7 septembre au 11 novembre, c'est l'exposition « Cette petite part d'oiseau qui est en nous » par Claude Semelet, que vous aurez l'occasion de rencontrer avec des ateliers qui sont précisés un petit peu plus tard aussi sur la page internet maisondelabresse.fr ou la page Facebook Maison de la Bresse pour les ateliers, les rencontres. Et puis aussi, comme tu le disais un petit peu plus tôt, d'autres temps forts, donc une exposition la Grande Guerre, hein, par l'association des Racines Bressaudes jusqu'au 4 octobre, vu qu'il faut pas l'oublier, c'est bientôt le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, je crois qu'on l'appelle aussi la Grande Guerre. Puis après, du 6 octobre au 11 novembre, ce sera l'exposition d'Elisabeth Dumoulin, plasticienne qui fait des statues en papier mâché, comme tu l'as dit, c'est marrant, parce que les statues de Claude Semelet en ciment sont très aériennes, tandis que celles en papier mâché d'Elisabeth Dumoulin sont assez imposante, assez lourde. Autant c'est le moment aussi de découvrir à quel point un matériau peut être malléable et défier les lois de la gravité, du moins comme on pouvait l'imaginer. Et puis bien entendu les deux 20h04, donc celle du 13 septembre et du 5 octobre, des temps forts très intéressants, d'un côté beaucoup d'hommes, d'un autre beaucoup de femmes, mais dans tous les cas beaucoup de thèmes intéressants pour le 20h04, bien entendu. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'ai encore à raconter? Est-ce que j'ai dit un petit peu tout? Non, j'ai pas pensé au... Le concert de contrebasse, peut-être? Oui! Voilà, le vendredi 28 septembre, on le rappelle. Vendredi 28 septembre, donc concert avec 10 contrebasses. Et puis, peut-être aussi pour vous annoncer un peu dans la suite de la saison, cette année, on aura pas mal de théâtre. Surtout dans la partie de 2019. Et puis une nouveauté aussi, on va faire des jeudis littéraires au mois de décembre où on accueillera des auteurs bien connus, même très renommés, notamment Nicolas Mathieu qui vient de sortir son deuxième roman, dont le premier avait été un tel succès qu'il est décliné en série télé qui va bientôt passer sur France 2 ou France 3 en octobre ou novembre, en 6 épisodes. Donc c'était le Aux animaux la guerre, le roman Aux animaux la guerre, donc la série du même nom qui va bientôt passer. Il sera à la Maison de la Bresse en décembre, ainsi que Élise Fischer, une autre grande romancière qui a publié une quarantaine de romans chez les plus grands éditeurs. Voilà, donc des nouveautés encore à découvrir. Cette année, on ne s'ennuiera pas à la Maison de la Bresse et on vous propose un panel de plus en plus large de choses à découvrir. Et toutes ces activités, toutes ces expositions, toutes ces rencontres sont gratuites, il faut le préciser si je ne m'abuse. Oui, alors il y a quelques concerts ou spectacles qui sont entrées payantes à 7€, mais la plupart sont gratuites en effet. Et puis 7€, ouais. Entre nous, c'est quand même largement raisonnable. Donc pour les auditeurs qui ont peut-être envie d'aller faire un tour pour voir ces différentes expositions, tu peux peut-être donner les horaires d'ouverture, les jours et horaires? Oui. Et donc c'est fermé le lundi, mais ensuite du mardi au vendredi, on vous propose une ouverture de 15h à 18h. Et le samedi et dimanche, c'est ouvert de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Donc en week-end, vous avez quand même le temps de venir. Voilà, et on ne vous claque pas la porte s'il est 18h01, quoi. Oui, voilà. On a vraiment envie que vous appréciez. On apprécie aussi que vous veniez en famille, puisque beaucoup de choses sont aussi adaptées aux enfants. Oui, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt en première partie d'émission, mais pour ceux qui ont loupé le coche, hein, je vous invite à réécouter le podcast quand il sera disponible assez rapidement ce soir, vous inquiétez pas. Et pour ceux qui aussi veulent d'autres informations complémentaires, qui n'auront pas la patience d'attendre à la prochaine émission avec toi Xavier, je vous invite à vous rendre sur le site maisondelabresse.fr ou sur la page Facebook Maison de la Bresse. Et pour en savoir plus sur Claude Semelet, elle a un site internet, donc c'est Claude, bah Claude, c'est Claude-Semelet, Semelet.fr, là où vous pouvez aussi avoir un petit aperçu de son travail. Après, tout n'est pas présent forcément, sinon ce serait pas intéressant de faire des découvertes pour les expositions qu'elle fait, auxquelles elle participe. Mais en tout cas, c'est le moment ou jamais de voir des faisans de déplumés en ciment planer en fait entre les murs de la maison de la Bresse. Et je crois qu'on a dit un petit peu tout ce qu'on a à dire, Xavier. Je sais pas oui, ce que t'en dis. Oui, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli et puis j'espère que les Romarimontains et les habitants des environs se rendront compte que finalement la Bresse ce n'est pas si loin. On y est en 25 minutes oui. Depuis Remiremont. Et il se passe de belles choses aussi, j'espère que vous les apprécierez. Eh bien, je l'espère aussi, et avant de se dire au revoir, comme tu as déjà lancé les hostilités, c'est le moment de faire la programmation de la soirée. Et donc, la prochaine émission, c'est à 20h, le calendrier des esclavages et des libérations avec François, et on se retrouve sinon demain matin, 7h, 8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, suivie des minutes bonheur de Lia, et enfin de la matinale de Marion, qui vous racontera le programme de la journée. Comme je vous disais, pour ceux qui veulent retrouver les podcasts, hein, ils sont aisément téléchargeables, écoutables sur les ordinateurs et smartphones, peu importe le système d'exploitation, tout fonctionne. C'est disponible, je disais, sur notre page Facebook Radio Gémozo ou sinon sur notre site internet radiogémozo.eu, rubrique émission et rediffusion, rubrique l'heure des loups. Vous pouvez écouter, télécharger sans aucun problème. Et on se retrouvera demain matin de 18h à 19h pour parler d'un festival qui a lieu dans quelques semaines. Il s'agit du festival, du Festilavida, pardon. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Je disais merci beaucoup Xavier pour ta présence, pour tes informations. C'était très précieux et je suis certaine que les Stéphanois Romarimontains, auront trouvé leur compte. Ça y est, le téléphone m'a perturbé. Donc encore merci beaucoup Xavier pour toutes ces infos. Bon bah écoutez, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très très belle soirée et rendez-vous demain même heure sur Radio Gémozo. Bonne soirée à tous.